parti. Dieu merci, je suis pas par terre. La déterre de mardi à mardi. La routine, tu la connais par cœur. Le poteau, il est sous gris montagne. Il me dit qu'elle veut se faire monter dans la montagne. Il me dit que c'est une fille fontaine. Qu'elle envoie des grenouilles sur son fontel. T'as rien fait, tu fais le mec en tête. Ça fait des temps pleins, dans le vent, sous feu de tempête. Je te fais que du bien quand tu parles en traite. Ce sont des films quand t'en parles entre elles. Y'a ceux qui doivent, y'a ceux qui boivent, hein. Y'a l'essence, y'a ceux qui sucent. Y'a ceux qui parlent, y'a ceux qui font. Y'a ceux qui donnent, y'a ceux qui se font donner. Y'a ce qu'ils la vendent, y'a ce qu'ils la prennent, ouais, ouais. Là j'ai écrit toute l'après-midi, ouais, ouais. T'as grandi, t'as pris de la graine, ouais, ouais. Tu fumes du comme, tu crois c'est la crème, ouais. Que j'ai fait des crimes, c'est comme des balles dans le crâne. Faut pas de salope dans le groupe, faut pas de mecs qui broutent. On les braque, mes potos veulent la brette. À l'abri, pas de brune, ils aiment les blondes et les brunes. Finir dans les bacs avec dans les poches et le bec. Quand je fume trop, je bec, j'en ai marre de me rouler des pets. On me dit que c'était une cochonne et que toi tu l'as roulé des pelles. Pour ceux qui ont le couteau, parce que quand ils se battent, ils se déboîtent l'épaule. Que tu tiens des boulets, j'parle pas de pétanque. Et fais gaffe, le mardi vient à 6h pétante. Dans ma tête, c'est la guerre et toi tu me parles des tentes. S'il me cherche, je le calcule pas, après il va me ramener ses tentes. J'crois que je suis en fumette, j'vois un schmitt en cheval. Et j'ai un pochon dans la cheville. Soucoupe à plus de 500 chevaux. Ta mise veut que tu la tires par les cheveux. XADV plaqué de B. 40 ans, t'es toujours à pied. Tu sais même pas faire tes papiers. T'es plein de fait tirer de B. Appel manqué sur ton téléphone. Et ta copine, elle croit que tu vois des folles. Que je délire, là, je suis qu'avec des fous. Je peux m'arrêter normal ou à parler avec des fans. Tu me verras pas venir, comme le retour de flamme. Même d'aller acheter le pain, manger la flemme. À l'ancienne, ça bandait en flamme. 7h du mat, ouais, que ça plombe. Je bois du Perrier, là, je suis sérieux. Et je fais pas rien les jours fériés. Je suis devant le mic en mode de guerrier. Je me demande vraiment si je suis un terrien. Est-ce qu'ils sortent le machin pour moi juste parce qu'ils m'aiment bien? Est-ce qu'ils tuent parce qu'ils rappent ou parce qu'ils lèvent bien? Bon matin, pétard céréal. Je peux te dire que c'est réel. Marseille, c'est pas Hollywood. Les gars, ils se prennent pour les sœurs Halliwell.